Non, mais c'est un très beau parcours hein, que vous avez là. Malheureusement, votre profil ne correspond pas à ce poste. Ah bon, mais au téléphone, j'ai oui, je regrette sincèrement. Je vous souhaite une bonne continuation dans vos recherches. Je vous raccompagne. Écoutez, si vous le souhaitez, je peux transmettre votre CV à un confrère qui sera intéressé par une personne comme vous. Ah oui, ça va. Je vous garantis rien. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Personne suivante. De la vie et je sais que j'en aurai encore. Parfois je trébuche, je me relève aussi, mais j'apprends et cela me rend plus fort. Car enfin mon destin m'appartient. Il faut que je trace ma route, coûte que coûte. Je plante entre les mains, mais je sais bien que l'avenir est fait de tout. Il suffit d'rien pour que les choses changent. Juste une rencontre, un échange, et t'avais pas basculé. Mais il y a plus d'étrange, tout ça arrive au moment où tu te sens le plus acculé. Tu verras des gens bien qui te tendront la main. Ce sera à toi de ne pas rater l'occasion et de toujours croire en ton destin. N'attends pas que les choses viennent provoquer. Ne laisse de rien à la chance. Ces propositions malsaines révoquées. En attendant la délivrance, on ne choisit pas d'où l'on est, d'où l'on vient. Et on suit chacun notre chemin. Moi j'ai le mien. Le mien. J'en ai eu des embûches sur le chemin de la vie. Et je sais que j'en aurai encore. Si parfois je trébuche, je me relève aussi, mais j'apprends et cela me rend plus fort. Car enfin mon destin m'appartient. Il faut que je trace ma route, coûte que coûte. Je plante les mains, mais je sais bien que l'avenir est fait de tout. La vie est un long combat où la chance ne compte pas, donc ne redescends jamais ta garde. Quand tu seras au plus bas, pense à ceux qui ne sont plus là et qui de là-haut te regardent. Fais pas les bras. Souviens ta foi, qui sait t'attendre. Les gens avec toi ne seront pas tendres. Garde la foi. Sois comme le phénix qui renaît de ses cendres. Les hommes malgré les coups de la vie incessants. Dissiper les peurs. Les pensées émancipées, les esprits domineront encore. Et alors, crois en ton destin, tant qu'il t'en reste un. Ton objectif est surtout ne lâche pas de l'estin. De l'espère, de ne te dicter ce qui est bon pour toi. Si tu ne sais pas, alors qui le saura. Avant d'atteindre le bonheur, je sais que la route est encore longue. Mais un jour, toi et moi, on l'aura. J'en ai eu des embûches sur le chemin de la vie et je sais que j'en aurai encore. Parfois je trébuche, je me relève aussi, mais j'apprends et cela me rend plus fort. Car enfin mon destin m'appartient. Il faut que je trace ma route, coûte que coûte. Je plante les mains, mais je sais bien que l'avenir est fait de tout. Pour atteindre le sommet d'une montagne, il y a plusieurs chemins pour y arriver. Car seul ton courage t'accompagne et sera ton meilleur allié. Maintenant imagine un peu que cette montagne représente tes rêves ainsi que tous tes vœux. La route sera longue et même si l'espoir s'effondre, c'est ta vie faisant ce que t'en veux. J'en ai eu des embûches sur le chemin de la vie et je sais que j'en aurai encore. Si parfois je trébuche, je me relève aussi, mais j'apprends et cela me rend plus